Et maintenant, un anti-poème banlieusard, très textuel, ma gonzesse. J'adore les migales. Avez-vous déjà vu de près ces affreuses bestioles? C'est gros, c'est poilu, ça pue. Un mélange de camembert, de ventre de tuberculeux, en bouillie, de clémentine, de topinambour, de fœtus, de caméléon auquel on a crevé un œil. Yeah. Avec des agrafes et de parfums pour pute de 250 kilos. Quand vous écrasez une migale, c'est horrible. Vous avez tout qui sort de façon anarchique. C'est bleu, c'est blanc, c'est rouge, c'est très jaune, parfois c'est rose. L'intestin gicle très fort, yeah. Monumental, 10 fois le volume d'un éléphant. Oh, oh, oh, oh. Pour l'équilibre naturel, une autre migale est obligée de boucler la merde de sa suivante. Ainsi se fait le cycle, et c'est ce qui explique et se déplace en troupeau. Wow. Cependant, celle qui bouffe la merde de l'autre peut la dégueuler. Ah. Une migale. Non. Une migale m'a embrouillé très testiculaire. À ce moment-là, la migale première, qui suit le mal et mon fantastique. Elle a une chance de se tromper. En principe, c'est la gauche qui est la bonne. De façon anarchique, c'est pourquoi ça peut être une couille de gauche et de droite qui dit milieu. Mais si c'est pas la bonne couche, la migale masculine, la migale masculine qui de façon aiguë, ce qui fait tomber du mal en écrasant notre migale qui explose de façon tout aussi anarchique. On n'est pas mortel. Il faut juste demander un peu trop fort. Et pour entraîner une certaine explosion désordonnée des organes génitaux. Yeah. Les migales qui ont la gale sont les plus dégueulasses. En gros, c'est des saucisses puantes et pleines de pus. Et de larves avec des pattes aux poils collants.